Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marché, c'est vraiment toujours de l'exo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. C'est là. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 février 2018, c'est la saga des Fab Four numéro 363, avec pour album de la semaine un album de Ringo Starr en 1981. Cet album s'appelle Stop and Smell the Roses, donc arrête-toi et respire les roses, sans les roses, hein, pourquoi pas. On écoutera Rack My Brain, Attention, You Belong to Me, Show to Fall, qui a été chanté auparavant par les Beatles, mais avant qu'ils soient connus. You've Got a Nice Way, très bonne chanson. Et Back of Boogaloo, une reprise en 81 d'un hit de Ringo Starr de 71. Mais, il a rajouté un petit hommage aux Beatles dedans, vous verrez. C'est plutôt très, très, très sympa. Il y aura également du Harrison, du Lennon, du McCartney et les Beatles. Pour Harrison, par exemple, puisqu'on était en 1981. Avec l'album de la semaine All Those Years Ago, la même année. Cette chanson était à l'origine destinée à Ringo, et puis finalement, après ce qui s'est passé, l'assassinat de John Lennon, il ne donnera pas la chanson à Ringo et il change le set de paroles. Il demande à Ringo de venir et à McCartney de venir aussi, et ils vont faire une belle chanson hommage All Those Years Ago à John Lennon. Pour John Lennon, ce sera 1980, le dernier album en date enregistré par lui. Double Fantasy, c'est le nom de l'album, et le titre du morceau, vous le connaissez, je le passe régulièrement parce que j'adore. Il reprenait les chemins du studio, il le faisait avec un grand grand talent. Il semblait être libéré de ses démons, il semblait l'espérer, avoir la vie devant lui, et ce sera pas le cas malheureusement, et ce sera Just Like Starting Over, comme si on recommençait tout. Pour McCartney, ce sera Teddy Boy en 1970, où il en revient pour éviter de faire trop larmoyant, en 1970, et cet excellent album qui s'appelle McCartney. Et pour les Beatles, nous ferons les quatre ensemble indirectement, puisque c'est en 1995 pour l'anthologie que les trois se réunissent, les trois survivants se réunissent pour composer, pour augmenter une maquette de John Lennon. La maquette s'appelait Free as a Bird. On écoutera ça tout à l'heure. Pour l'instant, chanson composée par George Harrison pour Ringo Starr, Rack My Brain sur RIG. Bonne soirée à vous tous et toutes. Rack my brain. Rack my brain. Till my head's filled with pain. Rack my brain. Empty cup, all dried up. premier titre de l'album de la semaine, Rock My Brain, chanté par Ringo Starr, mais créé par George Harrison. Alors, j'ai pas pris le temps de vous le dire il y a quelques secondes, mais vous pouvez nous rejoindre sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Je vous proposer rentrer dans le groupe et puis je vous fais rentrer, ou quelqu'un d'autre déjà présent peut vous faire rentrer, et vous pourrez discuter dans la publication qui est écrite tout en haut, qui est épinglée en haut, comme on dit. Eh bien, c'est la publication du jour, de ce soir, de ce mercredi, et on peut discuter là entre nous, mettre des pochettes d'albums, poser des questions, éventuellement même demander un autre titre pour une autre saga, parce que là, la saga est déjà, la playlist est déjà faite, donc je peux rarement changer. Bon, quelquefois, j'ai des petites, je fais des petites faveurs à une ou deux personnes, ça peut arriver, mais c'est pas souvent. Allez, All Those Years Ago, on va essayer de pas se prendre du retard. All Those Years Ago, les trois réunis, Harrison, McCartney, Starr, en hommage à John Lennon. C'était en 1981. Chatting all about love, while they cheated you like a dog, and you were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Oh.

His mother said, Ted, be good, he would. Nous avons écouté Ringo Starr, George Harrison, John Lennon et Paul McCartney. Avant d'écouter les Beatles, on va parler de Lovely Rita. Lovely Rita, elle est à Londres, c'est la directrice du Beatles Magazine. Et grâce au Beatles Magazine, vous savez tout en tapant juste BeatlesMagazineUK.com sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, les gens qui gravitent autour, comme Eric Clapton par exemple et bien d'autres. Les animateurs, ça j'adore ça. Si vous voulez savoir qui anime une émission sur les Beatles en France, il y a moi par exemple, il y en a peut-être d'autres, mais il faudrait qu'ils soient connus par Lovely Rita. Il y en a un en Italie, il commence à 21h, c'est Daniele, salut Daniele. Il y en a plusieurs aux États-Unis, il y en a un petit peu partout. C'est répertorié sur BeatlesMagazineUK.com, donc allez-y, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an même, paraît-il, 366 si jamais c'est une année bissextile, et ça se passe sur Facebook, sur Google+, sur Twitter et sur d'autres plateformes également. BeatlesMagazineUK.com. Merci Lovely Rita. Comme un oiseau, quelle superbe chanson. Free as a bird sur RG. Whatever happened to Extraordinaire, très très bien trouvé. Oh, j'aime ça. Ça me rappelle 1995. Je crois que c'était. J'écoutais la radio RFM à ce moment-là qui disait le 45 tours va sortir. Enfin, plutôt, on va l'avoir là, on va le passer dans quelques zones. Il nous a fait durer pendant plusieurs minutes comme ça. J'entends les. J'ai des frissons en me rappelant ça. J'entends le début de la batterie, l'entrée de la batterie et tout ça. Je me gare carrément parce que au moment où la voix de Paul McCartney est venue se plaquer sous celle de John Lennon, eh bien, une larme a coulé. Oui, ça le fait plus maintenant, mais à l'époque, premier titre Beatles depuis 1970, premier titre avec les quatre dessus, ben ça fait pleurer quand on aime les Beatles. Et je vous assure que j'avais adoré ce moment-là, je me suis passé le titre en boucle, en boucle, en boucle, en boucle pendant je ne sais pas combien de temps. J'adorais ça. Bien, revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Stop and Smell the Roses, qui marque, selon moi, le début du retour de Ringo sur le devant de la scène avec de bons albums. Là, il y a deux chansons faibles qui ont été co-écrites par Nilsson, apparemment. C'est Drumming is My Madness, c'est pas une bonne chanson. Et la chanson qui a donné son titre à l'album, Stop and Take the Time, un tout petit peu plus long, To Smell the Roses, qui n'est pas une bonne chanson. Pour le reste, les autres chansons sont plutôt bien, plutôt sympas, dont deux apportées par Paul McCartney, dont en voici une, Attention, Monsieur Ringo Starr, chantée, enfin, avec un petit coup de main de Monsieur Paul McCartney. Attention. Everybody wants to smile. Everybody needs a mention. Attention, attention for a while. Come on, baby, give it all you've got. Get into the power of the thought. Attention for a while. attention for a while. Everybody needs attention. Everybody wants to smile. Everybody needs a mention. Attention, attention, attention for a while. Give me your attention for a while. La radio des Beatles. Standing in the dockets of Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the mask says, you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're going to crucify. Seulement la moitié des Beatles sur ce titre-là, Paul McCartney et John Lennon. Et un John Lennon qui, 3 ans après le scandale de « Nous sommes plus célèbres que Jésus-Christ » et je pense que des deux, c'est le christianisme qui va disparaître le premier, eh bien, il remet une couche en disant « De la façon dont vont les choses, ils vont me crucifier ». Je pense que c'était volontaire de la part de John Lennon, mais quel très bon titre. « The Ballad of John and Yoko », il raconte son mariage, il dit simplement ce qui s'est passé, et ça se passe très très bien. Éric Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Sur le premier titre, le titre de Ballad of John and Yoko, quelle belle basse, ligne de basse. Et bien sur celle-là, là, sur All Brown Shoe, je trouve que c'est encore mieux. C'est absolument fantastique. J'adore cette chanson aussi. Voici une chanson qui a été rejetée de l'album Somewhere in England de George Harrison. Et bien c'est un tort, parce que c'était une belle chanson. Merci de l'avoir ressortie plus tard, George. Flying Hour. Those good old days.

sommes en 1982. That's the way it goes sur l'album Gontropo. Et c'est sur RIG 90.7. Quasiment jusqu'à 21h, nous avons deux Beatles à suivre. D'abord, un extrait de l'album Love avec Being for the Benefit of Mr. Kite, avec un petit bout de I Want You, il me semble. She's so heavy, vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Et ensuite, oh là là, le grand, grand morceau, A Day in the Life sur RIG. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. Henderson's will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. Henderson's will dance and sing as Mr. Caddy flies through the ring. Don't be late. This is K and H, assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Mm-hmm.

qu'en 1967, il passe des mois dans le studio pour créer Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. Certaines personnes pensent qu'ils sont finis, les Beatles. Ils ne donnent plus signe de vie, donc c'est terminé. Et bien, ça va faire bizarre quand Sgt Pepper va arriver dans les bacs, parce que cette chanson-là, comme le dit Pascal Dupont, sur Facebook, c'est du pur génie, c'est absolument génial, fantastique, et c'est du grand, grand John Lennon, tout comme McCartney également a fait de très, très bons titres dessus. Je voudrais re-rendre hommage à John Lennon, puisque ça s'y prêtait, puisqu'on était aux alentours de 1981, avec cette chanson un an plus tard, 1982, pour nous emmener à 21h, Here Today, sur RG. On écoute rarement, alors on va l'écouter maintenant. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before, and I am holding back the tears. What about the time we met? What about the time? Well, I suppose that you could say that we were playing hard to get. Didn't understand a thing, but we could always sing. What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but you were always there. Vous l'avez chanté avant qu'il soit connu. Voici la reprise country de Show to Fall par Ringo Starr sur l'album Stop and Smell the Roses. I'm sure to fall. Thank you. si nous passions à la cover? La cover, c'est une chanson chantée par John Paul Ringo George avec les Beatles ou sans, et qui est reprise par quelqu'un d'autre, connu ou pas, peut-être vous, pourquoi pas. Et même si cette chanson à l'origine était déjà une cover par les Beatles, par exemple, s'ils reprennent Little Richard. Mais parlons-en justement. En 1975, John Lennon fait un album qui s'appelle Rock'n'Roll et il chante une chanson Slippin' and Sliding. Cette chanson a été chantée par Little Richard en 1956, c'est un single. Le titre était plus complet, ça n'était pas Slippin' and Sliding, c'était Slippin' and Sliding, Bibim, je vais recommencer. Slipping and sliding, beeping and hiding. And hiding, voilà. Eh bien, on écoute cette version-là, la version de Little Richard sur RG. C'est la cover de ce soir. Pensez bien que j'allais pas rater cette occasion. 19 ans plus tard, voici la version de John Lennon. I look high, I look low, I look in everywhere I go. Looking for a home in the heart of the country. Revenu en 1971 sur l'album Ram avec Heart of the Country sur RIG. Voici une des plus belles chansons et qui nous a manqué pas mal de temps ces derniers mois. Here Comes the Sun en 1969. It's been a l'actualité il y a quelque temps sur le groupe La Saga des Fab Four de Yoko Ono qui n'a pas aidé à l'éclatement des Beatles. Enfin, plutôt au fait que les Beatles restent ensemble. C'est pas faux, mais franchement, elle n'est pas du tout la raison principale pour laquelle les Beatles ont éclaté. D'abord, entre 20 et 30 ans, on change. Ensuite, écoutez ce titre, Here Comes the Sun de George Harrison. Franchement, il est au niveau de John et au niveau de Paul, au niveau de la qualité musicale. Et il n'avait le droit qu'à une ou deux chansons par album. Il en avait marre, George Harrison. Il avait envie d'avoir plus de chansons. Donc ça collait pas. Ensuite, McCartney avait envie de revenir sur scène. Les autres, non. Donc ça ne collait pas. John Lennon, pardon, avait envie de faire un truc plus politisé, ce qui ne plaisait pas à Paul McCartney. Ringo Starr, il suivait le groupe, même si en 1968, il a été le premier à se barrer. Il a dit, j'en ai marre, je me casse. Il est revenu et les autres Beatles avaient couvert sa batterie de fleurs pour lui dire, allez, t'es notre pote. Et il a fini par revenir et ne plus rien dire, mais j'étais, voilà. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles les Beatles se sont séparés et Yoko Ono n'est qu'une petite raison. C'est vrai que l'avoir sur le dos pendant les séances d'enregistrement, alors que dès le début, ils avaient dit pas de femme pendant qu'on enregistre, bon, déjà, pas cool. Et encore plus, lorsqu'elle se permettait de dire oui, ça j'aime bien, ça j'aime pas, là par contre, je pense que ça leur plaisait pas. Mais bon, peut-être qu'ils auraient pu faire avec. Hein ? Allez, l'album de la semaine, c'est Stop and Smell the Roses de Ringo Starr. Et voici un nouvel extrait, ça s'appelle You've Got a Nice Way. J'adore cette chanson. Sorti en 1981. Vous êtes sur RG 90.7, c'est la radio des Beatles. Wasn't too long ago, I was dying of an empty heart. When you get lonely, it gets so easy to fall apart. Staying up all night, looking for trouble soon as it would start. Get smart. You got a nice way of believing in me. You got a nice way telling me so. But smile. Back a few years ago, I was blind, now I can see 4 miles. Baby, you saved me, loving me, will you stay for a while? Tell me you love me. souviens plus si c'est David Crosby ou Stephen Stills qui est avec Ringo Starr sur cette chanson-là. En tout cas, on sent le style de Crosby, Stills, Nash. J'aime beaucoup cette chanson, je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons venir à une chanson de Paul McCartney qu'on ne passe pas souvent, hein, et pourtant c'est dommage. Il arrivé régulièrement à Paul de prendre des risques sur un album juste pour le pour son plaisir. Cette chanson n'allait certainement pas faire un hit, n'allait certainement pas passer souvent à la radio, sauf dans la saga des Fab Four, forcément. Et c'est une très très bonne chanson, une fois qu'on l'a écoutée plusieurs fois, ça rentre dans la tête et ça n'en sort pas. Voici Moss Moose and the Grey Goose, en 1978 sur l'album London Town, et c'est sur RIG. We'll be right back. Paul et ses expérimentations, et la basse est absolument infernale dans ce titre, j'adore. Quelques années auparavant, on va dire, allez, c'était en 78, donc 10 ans auparavant, il écoute une chanson des Who, et il se... on va reprendre au début. Il n'a pas écouté la chanson des Who, mais on a dit de cette chanson des Who qu'elle était la plus violente, la plus crasseuse possible. Lui, avant d'écouter la chanson, il s'est dit, ah ouais, bon, on va essayer de faire pire. Et il a créé Helter Skelter. Pendant 28 minutes, messieurs, dames, Ringo Starr tient la batterie et il ne se plaint pas et il est un métronome. C'est ce qu'on dit toujours de lui. Il tient le rythme comme personne. Il le fait vraiment très très très bien. Heureusement, la version finale sera un petit peu plus courte, parce que 28 minutes c'est sans doute trop long, mais quel délire et quelle violence, c'est l'ancêtre du hard rock certainement. Voici Helter Skelter sur RIG. When I get to the bottom I go back to the top of the slide. You ain't no dancer. Look out! Parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio des Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be all right? Tell me it's the institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Revolution, la version 45 tours plus violente que la version du 33 tours. Ce qui est très amusant, c'est que je parle de violente, alors que si vous voyez le clip, les guitares sont saturées, les guitares vont dans le rouge. Mais Ringo Starr, il y va pépère, toutoum, poupoum, toutoum, poupoum, toutoum, poupoum. Et les autres aussi, finalement. C'est juste le fait d'avoir un son saturé sur les guitares, et puis le chant de John, évidemment, qui vous donne l'impression que c'est violent. Mais c'est drôlement bien. Allez, voici George Harrison. On n'arrête plus maintenant la musique parce que ça passe déjà plus que 20 minutes d'émission. Voici Cockamamie et Business, en 1989 seulement sur le Best Of. C'est le Best Of Dark Horse 1976-1989. Vous êtes bien sur la RG. Dans quelques minutes, un peu plus de 20 minutes, Johnny de A à Z, le meilleur, Eric, c'est lui, et il vous en parlera tout à l'heure. Puts my back on the levee, put my strings on the BBC. Found the chops on Neil Pye Island, my dues at the mall. Dash my virginity in this cockamamie business. Oh. company ourselves down the brain drain. And before I can mend lots, the missus is the girlfriend. This got the maybe business. De la semaine, Back of Boogaloo, avec un petit clin d'œil aux Beatles. C'était en 1981 sur l'album Stop and Smell the Roses. You think you're gonna do? I gotta fly. your short sound wasted. Le rêve numéro 9 de John Lennon, c'est sur RG 90.7. Kawa, poussez tout le monde, hein, quand même, c'est normal. Allez, il nous reste encore le temps d'écouter deux chansons, pourquoi pas un bon Beatles et un bon Paul McCartney. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. D'abord, on va rechercher le long chemin sinueux qui mène jusqu'à ta porte. Tonight, pourquoi pas Good Night Tonight sur RG, c'est la dernière chanson de la saga. Don't se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une love saga. Que des chansons d'amour, ça va faire des bisous la semaine prochaine. Mais qu'est-ce que vous voulez, je me défends comme je peux. Je vous laisse en compagnie du meilleur, il s'appelle Eric et il va tout vous dire sur Johnny de A à Z. A bientôt, salut, ciao. Ah tiens, une bise à Julie Harrison.